إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وبعد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبعد، اللهم أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا، اللهم بارك لي في هذا المجلس، اللهم بارك لنا، اللهم بارك لنا في هذا المجلس، اللهم بارك لنا في هذا المجلس. اللهم لا سهل إلا ما جعلت سهلا، وأنت تجرح سهلا إذا وأنت تجرح إذا شئت سهلا. اللهم سهل لنا أمورنا كلها يا رب العالمين. وبعد، la dernière fois on avait parlé des ambiguïtés. On avait cité différents types d'ambiguïtés, donc qui venaient et qui touchaient la science. Et aujourd'hui, Inch'Allah, donc les ambiguïtés, c'est par rapport à la science, par rapport aux paroles du cœur, d'accord. Et aujourd'hui, Inch'Allah, on va voir une des plus grandes maladies dont le cœur peut être atteint. C'est la maladie de quoi ? Des passions, de shahwa, d'accord. À savoir que l'homme, il possède deux forces ou deux choses, ou on peut dire, ou dit autrement, l'homme, c'est un résultat de deux choses. C'est un résultat de science et d'une volonté. En fait, l'homme, on va dire que c'est une science qui agit, d'accord. C'est une science qui agit. Donc l'islam est venu libérer ces deux choses là. L'islam est venu libérer ces deux choses-là. Comment ? D'abord, au niveau de la science, en lui apprenant quel est le but de sa vie, pourquoi il a été créé, qui il est et quel est son Seigneur. Et cela dans des versets petits. Dans un ou deux ou trois versets, alors il nous explique ceci. Et ceci est même expliqué en vérité dans le Fatiha. D'accord ? Ceci est expliqué dans le Fatiha. Ou alors, juste dans le Fatiha, il s'est présenté. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Donc, lui, c'est Rabbul Alamin. C'est le Seigneur des univers. C'est l'Ilah. C'est la divinité qui est digne d'être adorée. C'est Rahman Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. C'est Maliki Yawmiddin. C'est le roi, le maître du jour du jugement dernier. Et donc, celui qui possède toutes ses qualités de perfection, il est forcément digne d'être adoré. Donc, dans le Fatiha, on dit, c'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul que nous implorons l'aide. Donc dans le Fatiha, en fait, il y a le but de la vie, pourquoi on a été créé, celui qu'on adore et quels sont ses attributs et ses qualités. Il y a le fait qu'un jour du jugement dernier, il y a l'histoire de l'humanité tout entière, les croyants et leur devenir, ainsi que les mécrans, le mardoub alayhim ou l'abdalin, les juifs et les chrétiens et tous les mécrans et ceux qui leur ressemblent. Donc on disait, l'islam, il est venu nous libérer. Donc la première chose, par la science, et ça c'est la base de tout, comme on avait dit au niveau des ambiguïtés la dernière fois, La première ambiguïté que les mécréants ils ont, c'est de ne pas connaître le but pour lequel ils ont été créés. Si tu te trompes au niveau de cette science, tout le reste, tu vas te tromper. Et on a dit que l'homme, c'est le résultat d'une science et d'une volonté. Si ta volonté, elle est correcte et elle est forte, mais tu n'as pas compris le but pour lequel tu as été créé et que ta science est fausse, que tu es ignorant, alors ta volonté, non seulement elle te servira à rien, mais bien plus que cela, ta volonté va t'aider à aller contre le but, le véritable but pour lequel tu étais créé. D'accord? Donc, l'islam, il est venu libérer l'être humain de ces deux choses. D'accord? Il est venu apprendre à l'être humain la science véritable. Le premier verset qui était descendu, c'est Iqra, lis, cherche, apprends. Et il est venu libérer l'être humain aussi des choses, des cordes ou des menottes qui peuvent empêcher sa volonté et qui font que il va être soumis à autre qu'Allah. D'accord? Il va être soumis à autre qu'Allah. Donc on disait que une parmi les plus grandes maladies ici qui empêche la personne d'aller vers Allah, c'est les passions. Le terme passion, shahwat, qui signifie en fait littéralement tout ce qui est désir, donc il a été défini de plusieurs manières. D'accord? Ibn Qayyim, il a dit, c'est tout ce vers quoi ton âme penche, les choses vers lesquelles ton âme, elle penche. De même, il a été donné une autre définition, c'est toutes sortes de péchés que l'âme souhaite. Toutes sortes de péchés, c'est pas un type de péché particulier, mais toutes choses, toutes sortes de péchés que l'âme peut souhaiter. Ça peut être un ou plusieurs péchés. Ibn Taymiyyah, il a dit, toute personne qui ne suit pas la charia est en train de suivre ses passions. D'accord? Donc ça, c'est parmi les différentes définitions qui ont été données pour le shahwa. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes, le paradis a été entouré de désagréments, alors que l'enfer a été entouré de passions. Comment Allah lui a dit quoi? Quant à celui qui a dépassé les limites, فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. Quant à celui qui a dépassé les limites et qui aura préféré la vie d'ici-bas, alors son refuge sera l'enfer. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Quant à celui qui aura eu peur de comparaître devant son Seigneur et qui interdit son âme, qui interdit à son âme les passions, eh bien ici, le résultat, c'est quoi? Eh bien, cette personne aura le paradis. Donc Allah Azzawajal n'a pas fait d'autre chemin, n'a pas montré d'autre chemin pour atteindre le paradis que le fait d'être en divergence avec ses passions. Donc quand le professeur me dit le paradis a été entouré de choses désagréables donc pour l'âme, et l'enfer a été entouré de passions, ici c'est comme si l'enfer, c'est un toboggan, et tu n'as qu'à te laisser glisser sur ce toboggan qui représente tes passions. Donc tu te laisses faire tout ce que tu veux. Tandis que le paradis, il est entouré de choses désagréables pour l'âme, avec lesquelles tu dois combattre. D'accord? Donc si tu veux aller au paradis, tu es obligatoirement obligé de combattre. Et quand on parlait de science, eh bien le fait d'apprendre la science aussi, c'est aussi un combat. Le fait d'apprendre la science aussi, c'est un combat. Et pour apprendre la science, il faut forcément être en contradiction avec ses passions. Pourquoi? Parce que tu dois passer du temps pour apprendre, ne serait-ce qu'un petit peu. Et ce temps que tu dois passer, eh bien, c'est une lutte contre l'âme. L'âme, elle aime la paresse, l'âme, elle aime ne rien faire. Donc là, tu vas devoir apprendre jour après jour, lire les livres, écouter les cassettes, écouter les audios. Et tu dois passer du temps à comprendre la science. Et donc, Shaitan, parmi ses premiers buts, c'est de faire en sorte que la personne n'apprenne pas. Car si la personne n'apprend pas, elle va rester ignorante. Et si la personne reste ignorante, il va être facile pour Shaitan d'employer tout type de ruse, contrairement à la personne qui a de la science, qui va se rendre compte des ruses de Shaitan. Donc c'est pour ça que Parmi les premières ruses de Shaitan, c'est de faire en sorte que la personne n'apprenne pas. Alors je lui dis, en parlant de l'être humain, il dit, et certes, nous avons proposé l'amana aux montagnes et aux cieux, et elles ont refusé et ont eu peur de ce dépôt. Et l'être humain l'a accepté. Après avoir vu, il a donné les deux caractéristiques par lesquelles on peut caractériser l'être humain. Et il a dit, certes, l'être humain, il est valuman jahula, il est injuste et il est injuste et il est ignorant. Donc l'âme, à la base, elle est injuste et elle est ignorante. Donc son ignorance, si elle n'apprend pas, elle n'acquérira pas la science. Quant à son injustice, si elle n'apprend pas non plus et si elle ne craint pas un minimum, elle va rester injuste. Donc, ce qui repousse l'ignorance, c'est la science, et ce qui repousse l'injustice, c'est aussi la science, mais la crainte. Car la science tout seul, pour repousser l'injustice, ne suffit pas. Il faut aussi la crainte. D'accord? Mais la crainte, tu peux l'acquérir aussi par la science, même s'il faut rajouter à celle-ci l'action. Donc, on voit combien la science est importante, et comment en vérité, c'est la base de tout bien. D'accord? Donc, Ali, il disait, radhiyallahu anhu, gardez-vous bien de vous laisser dominer par vos passions, car celles-ci, les passions, entraînent l'avilissement dans l'immédiat, c'est-à-dire dans ce bas monde, et le mal dans le futur, dans l'au-delà. Après, il disait, si votre âme refuse d'entendre la raison ou les menaces, alors essaie de discuter avec ton âme et persuade-la, essaie de lui donner de l'espoir, et essaie de lui parler de la belle rétribution qui l'attend si elle patiente. D'accord? De même, fais-lui peur et donne-lui l'espérance. Car celui qui réunit la crainte et l'espérance réussira à dompter son âme. D'accord? Il faut comprendre que l'âme, que la passion, donc, la passion, c'est une épreuve. D'accord? C'est une épreuve par laquelle l'être humain a été éprouvé. Donc, il a des choses en lui vers lesquelles il penche, comme on disait, ses passions, qui représente les péchés. Et à côté de ça, Allah lui a donné des forces. Il lui a donné comme juge la raison et lui a envoyé la religion, le dîn. D'accord? Et la raison, donc, c'est ce qui permet de connaître ce qui va te faire du mal. D'accord? Donc ici, il y a une force, il y a une balance tout le temps entre eux. D'un côté, la raison et la religion, et de l'autre côté, les passions qui sont dans l'âme. D'accord? Et c'est un combat entre les deux. C'est un combat entre les deux. On a dit Al-Hassan Basri, on l'a dit, quel est le meilleur des djihad? Il a dit le meilleur des djihad, c'est le fait de combattre tes passions. Ibn Qayyim disait, j'ai entendu Ibn Taymiyyah dire, la base du djihad des mécréants et des hypocrites, c'est le fait de combattre ses passions. En effet, on ne peut pas imaginer qu'une personne qui n'arrive pas à combattre ses passions puisse combattre ensuite les mécréants ou les hypocrites. D'accord? Donc on doit apprendre à savoir ce que c'est vraiment les passions, comment on s'en débarrasse, quels sont ses maux, et comment aussi les soigner. D'accord? Certains ont dit, en parlant donc des passions, et certains ont dit, ils ont donné l'exemple suivant. Ils ont dit, les anges, ce sont des êtres avec une raison et sans passion. Quant aux bestiaux, ils ont des passions et n'ont pas de raison. Quant à l'homme, lui, il a les deux. Il a la raison et les passions. Donc, celui qui se laisse dominer par ses passions devient comme l'animal, même pire que l'animal. Et celui qui combat et qui gagne ses passions, il devient mieux que les anges. Pourquoi celui qui se laisse dominer par ses passions et devient comme l'animal, ou pire même? Parce que l'animal n'a pas de raison. C'est-à-dire que l'animal, il a des passions, mais en vérité, il n'a pas de raison et il n'a pas d'arme avec laquelle il pourrait combattre ses passions. Donc l'homme, quand lui, il n'utilise pas les armes qu'Allah Azzawajal lui a données, quand il n'utilise pas ses armes pour combattre les passions, il devient pire que l'animal, puisqu'en vérité, il devient au même niveau que l'animal, sauf que lui, il avait de quoi combattre ses passions, donc il n'a pas utilisé les armes pour combattre ses passions, il devient encore pire. D'accord? Parmi les choses qui aident à prendre le dessus sur les passions, d'accord? C'est d'abord connaître ton âme. Connaître l'âme, d'accord? L'âme, il y a trois types, les savants, ils ont dit, il y a trois types d'âme. Une qui appelle au mal, l'amaratu bissu, d'accord? L'âme apaisée et l'âme qui ne cesse de se blâmer. D'accord? Donc il y a trois types d'âmes. Ibn al-Qayyim, il disait, il y a deux types de personnes par rapport à leurs âmes. Certains ont été battus par leurs âmes, d'accord? Et d'autres ont battu leurs âmes. Et d'autres ont battu leurs âmes. Donc, il faut comprendre que c'est un combat entre nos âmes et nous-mêmes. Et comme on disait, c'est une épreuve. D'accord? Donc, le fait de savoir que c'est un combat, ça t'aide. Ibn Taymiyyah, il disait, par rapport à ça, il disait que l'être humain, Allah Azzawajal, l'être humain, elle a des passions en elle. D'accord? Des choses qu'elle doit suivre. Et des choses qu'elle a envie de suivre. D'accord? Et l'être humain, Ibn Taymiyyah, il disait, donc n'a pas de péché pour les passions qu'il a en lui. D'accord? Mais il a des péchés s'il suit ses passions, alors qu'il est récompensé s'il les combat. Donc juste pour peut-être plus clarifier les choses, on va donner des exemples de passions. Il parlait parmi les passions, le fait d'aimer l'argent, le fait d'aimer le pouvoir, le fait d'aimer les femmes. D'accord? Toutes ces choses-là, bien sûr, c'est conditionné par le fait que ces choses-là, tu les aimes d'un amour qui fait que tu dépasses les limites permises par la charia. D'accord? À savoir que Allah Azzawajal a blâmé, comme on l'a vu tout à l'heure, par exemple, dans le verset. De manière générale, le Coran et la Sunna ont blâmé les passions. Alors que, comme il dit Ibn al-Qayyim, les passions ne sont pas à blâmer de manière absolue. D'accord? C'est comme la colère, c'est pas un mal de manière absolue. Mais pourquoi Allah et son prophète l'ont blâmé de manière générale? La raison de ça, c'est que le mal des passions est plus grand et que la majorité des gens n'arrivent pas à rester dans les limites. D'accord? N'arrivent pas à rester dans les limites. Comme ça, c'est le cas de la plupart des gens. Alors là, les passions de manière générale, dans le Coran et dans la Sunna, ont été blâmées. Donc on disait que la première chose pour nous aider à combattre les passions, c'est de connaître la réalité de ces passions. De ne pas s'étonner si parfois ton âme t'appelle au mal et t'appelle aux passions. Mais au contraire, se rendre compte que ici tu es en combat avec elle. Donc si tu te rends compte qu'il y a un combat, c'est plus facile pour toi ensuite de combattre. Car Shaitan peut venir et peut te dire, mais tu n'es pas normal. En fait, Shaitan, il peut profiter de l'occasion en te faisant croire que le fait que tu as des passions en toi, c'est que tu n'es pas normal. Et par-delà même, te faire oublier qu'il y a un combat et te donner l'impression que si tu as ces passions-là, tu dois y répondre. Et ça, c'est une des grosses ambiguïtés de Shaitan. C'est une grosse ambiguïté de Shaitan avec laquelle il est venu. En faisant croire à une partie des créatures qu'ils ont des passions et que s'ils les ont, ils ne sont pas normales. Ou alors, ils ont des passions et qu'il faut assouvir ces passions. Regardez comme certaines personnes disent, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Ça, c'est une grosse ambiguïté qui a été apprise, que Shaitan aura appris. Car ici, le bien, ce n'est pas de manière absolue. Il n'y a pas de mal à se faire du bien quand ce bien, il est limité par la charia. D'accord? Les compagnons, ils ont dit, le prophète Sassoum, il a dit, quand l'un d'entre vous satisfait ses besoins avec sa femme, il a récompensé. Ils ont été étonnés. Ils ont dit, comment ça se fait que on assouvit nos bas instincts et on est récompensé? Et le prophète Sassoum leur a expliqué et il leur a dit, n'est-ce pas que si vous faisiez cela dans le haram, vous auriez des péchés? Bien sûr. Donc s'ils assouvissent leur passion dans le mal, ils vont avoir des péchés. Mais s'ils le font dans le bien, alors ils sont récompensés. Donc, comme il disait Ibn Taymiyyah, ce n'est pas la passion en elle-même qui est à blâmer, mais c'est le fait de la suivre. Donc, ici, on disait que parmi les ruses de Shaitan, c'est de faire croire à la personne soit qu'elle n'est pas normale, parce qu'elle a des passions en elle, Ou alors, un autre extrême, c'est de lui faire croire qu'elle a des passions et que c'est normal et elle doit les suivre. Et on dit souvent cette règle que nous, on est au juste milieu. Donc le juste milieu, c'est que tu as des passions, et ces passions, c'est une épreuve avec laquelle la raison juive t'a éprouvé et que tu dois les combattre. Bien entendu, ici, les passions qu'on a données, les exemples de passions qu'on a données, on voit bien que les gens sont plus ou moins éprouvés par ça. Il y a des gens qui sont plus éprouvés, notamment par exemple de manière générale, les hommes sont plus éprouvés par rapport à l'attirance qu'ils ont pour les femmes que les femmes par rapport à l'attirance des hommes. Et chez les hommes, il y a des gens qui sont plus ou moins attirés. Il y a des gens qui ont une passion, il y a des hommes qui ont une passion plus ou moins forte que d'autres. D'accord? Donc il est important pour nous de comprendre cela afin de pouvoir engager le combat. Car quand tu sais que c'est un combat et que tu sais que quand tu patientes par rapport à ton âme, tu es récompensé, forcément ça t'aide à patienter. Ça t'aide à patienter. Et ici, il y a une manière aussi qui aide, c'est comment tu vas communiquer à ton âme. D'accord? L'âme, de manière générale, comme on a vu, elle aime les choses qui sont faciles. D'accord? Tu te trouves dans une situation de faiblesse devant un péché. Tu as envie de faire un péché. Ton âme, elle t'appelle à faire un péché. Ici, tu dois apprendre à parler à ton âme et apprendre à la motiver. Donc on a dit, soit tu lui fais peur, soit tu lui parles de la récompense, ou alors des deux et tu alternes. D'accord? Et aussi, tu fais comprendre à ton âme. Tu fais comprendre à ton âme, tu lui dis, oh mon âme, tu as deux solutions. Soit tu assouvis ton péché et tu te repentiras après. Soit tu patientes. En sachant que la première solution, tu te repentiras après, c'est ici qu'on doit utiliser la raison. On a dit que la raison, c'est une arme pour le péché. Ici, si on examine ce à quoi nous appelle notre âme, au péché, et le fait de se repentir après, la raison ici, elle doit répondre quoi? Premièrement, on ne sait pas si ce après il va arriver. Il se peut qu'on meure en état de péché. Deuxièmement, comment va-t-on se repentir après, alors que là, ton cœur, il est dans un état de force plus grand qu'avant le péché, et quand tu vas faire ce péché, ton cœur, il va s'affaiblir, et il aura du mal à se repentir. D'accord? Puisqu'il faut bien se repentir, car sans repentir, on a l'enfer, alors pourquoi retarder le repentir? Et pourquoi commencer à quoi? Pourquoi commencer à faire le péché et à rentrer dans un autre combat? D'accord? Là, tu es dans un combat. Soit tu décides de combattre maintenant pour patienter, soit tu rentres dans un autre combat qui va être plus difficile. Ça va être quoi? Ça va être de faire le péché et de revenir au repentir, de t'arrêter à faire le péché. Or, il n'y a aucun doute que le fait de ne pas commencer à faire le péché tout de suite, c'est beaucoup plus facile. Donc ici, tu appelles ton âme à patienter. À savoir que tu peux l'appeler de différentes manières. Tu peux l'appeler de différentes manières par rapport à la science. Il y a des versets dans le Coran qui sont suffisants et qui guérissent et qui aident à patienter quand tu le regardes avec la raison. Par exemple, alors je lui dis dans le sens en français, et vois-tu, si nous leur donnons, donc il parle des mécréants, vois-tu si nous leur donnons une jouissance pour un certain nombre de temps et qu'après on les saisit, à quoi leur, ce temps-là va-t-il leur servir? Par exemple, une personne, elle reste 1000 ans. Pendant 1000 ans, elle profite et elle jouit de tous les plaisirs de la vie. Mais suite à ça, elle rentre en enfer. Les 1000 ans, elle va les oublier. C'est pour ça que, comme il est venu dans le hadith, le jour du jugement dernier, on emmène la personne donc, qui est en enfer, chez les mécréants, qui a eu la vie, le plus de plaisir ici-bas, qui a eu la, entre guillemets, la meilleure vie. D'accord? On la plonge juste un peu en enfer, et on la fait sortir. Ensuite, on lui dit, c'est Allah Jul qui lui dit, oh, mon serviteur, as-tu connu du bien? Et si, cette personne-là, alors que c'était celle parmi les mécréants qui a eu le plus de plaisir dans la vie, elle dit non, par Allah, je n'ai pas connu de bien. On amène ensuite, chez les musulmans qui est au paradis, la personne qui a eu le plus d'épreuves. Imagine-toi, elle a été pauvre, elle a été malade, elle a été en prison, on s'est moqué d'elle, on l'a rejetée, etc., etc. On la trempe, juste quelques instants au paradis, on la fait sortir. Ensuite, Allah lui demande, oh mon serviteur, as-tu eu As-tu vu du mal dans ta vie? Il dit non, par Allah, je n'ai pas vu de mal. Donc regardez comment la première personne, ne serait-ce que le fait d'être trempé en enfer quelques instants, lui a fait oublier tous les plaisirs. Et regardons comment la deuxième personne, le fait d'être trempé quelques instants au paradis, lui a fait oublier toutes les souffrances qu'elle a eues. Et ici, il y a une chose importante dont on doit parler. C'est quand on parle de passion et quand on veut motiver notre âme à patienter, certes, il faut lui parler de l'enfer et du paradis, lui faire peur avec l'enfer, lui faire espérer le paradis. Mais il faut aussi lui parler des récompenses d'ici-bas. Et souvent, ça on oublie. D'accord ? Des récompenses d'ici-bas afin qu'elle patiente. Comme je l'ai dit, quiconque homme ou femme musulman fait une bonne action, je lui ferai vivre une vie heureuse. Quant à celui qui s'éloigne de mon rappel, il vivra une vie pleine de gêne. D'accord ? Donc il faut lui parler des récompenses à l'âme, il faut lui parler des récompenses d'ici-bas. Quant à celui qui suit son âme et qui lui donne tout ce qu'elle veut, tout ce qu'elle désire, Allah a dit à son propos, n'as-tu pas vu celui qui a pris comme divinité ses passions et Allah les garde avec science. Ici, le propre de la divinité, c'est d'être ordonné. Le propre de la divinité, c'est qu'elle ordonne et elle interdit. Elle t'ordonne des choses à faire et elle t'interdit. Or, la personne ici qui suit son âme et qui suit ses passions dans tout ce qu'elle veut, d'accord, elle aura fait de ses passions une divinité qu'elle adore en dehors d'Allah. Et ici, donc elle adore Shaitan et elle adore son âme. Et une des ambiguïtés que Shaitan lui met, c'est de faire croire qu'elle est libre. Or, il n'y a pas plus esclave que la personne qui suit ses passions. De même qu'il n'y a pas plus libre que la personne qui adore Allah. Ibn Qayyim dit, certes, le tawhid et les passions sont deux opposés. Le tawhid et les passions sont deux opposés. Et il dit, après, il donne une image. Il dit, la passion, c'est comme une statue. Et certes, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est venu pour briser les statues. D'accord ? Mais cette statue-là, cette passion, elle est dans le cœur. Et casser les statues du cœur est plus important que casser les statues physiques. C'est-à-dire que casser les passions qu'il y a dans ton cœur, c'est plus important que casser les statues extérieures. D'accord ? Donc il faut comprendre que on ne peut pas avancer vers Allah Azzawajal, puisqu'ici, toujours, on est toujours sur notre palmier, l'arbre de la foi. Donc une fois, il ne suffit pas d'avoir la science, d'avoir appris la science et de ne pas avoir ambiguïté au niveau de la science, si tu n'arrives pas à appliquer et à agir avec cette science, si tes actes du cœur ne sont pas bons et si tu n'arrives pas à faire les actes extérieurs. D'accord ? Alors je lui dis quoi ? Et à succéder à ces gens-là, des gens qui ont négligé la prière et ont suivi les passions. Et ils vont bientôt trouver un endroit en enfer. D'accord ? Donc ici, Allah Jujul, il a expliqué, si on médite sur le verset, on se rend compte que ce qui a fait que ces gens-là ont négligé la prière, c'est le fait de suivre ses passions. En effet, la prière, c'est une des choses qui est lourde pour l'âme. C'est une chose qui est lourde pour l'âme, mais c'est une des meilleures éducations pour l'âme. Alors je lui dis quoi ? En parlant de la prière, إِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. Et certes, la prière est une lourde obligation, sauf pour ceux qui ont la khashia, sauf pour ceux qui sont humiliés, ceux qui ont la crainte. Ensuite, Allah les a décrits. الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Ceux qui sont sûrs qu'ils vont rencontrer leur Seigneur et qu'ils vont revenir vers lui. Donc ici, regardez, si on médite sur le verset, Allah il a dit que la prière est une lourde obligation, ensuite il a accepté une catégorie de gens qui ont deux choses, c'est quoi ? Ils sont sûrs qu'ils vont rencontrer leur Seigneur et qu'ils vont revenir vers lui. Donc ils croient en Allah et ils croient au jour du jugement dernier. Ils croient en Allah et ils croient au jour du jugement dernier. Donc cette croyance-là, elle a un effet direct, d'accord? Donc parmi les moyens de combattre les passions, c'est de faire peur avec la science, d'accord? De faire peur. Pour que les passions s'arrêtent. Si la science, car la science repousse les passions, ou du moins la science peut repousser les passions. Regardez quand Allah il a envoyé Pharaon, quand il a envoyé Moussa vers Pharaon, il lui a dit quoi? Idhhab ila Pharaon innahu tagha, faqul hal laka ila an tazakka. Va vers Pharaon car il a dépassé les limites. Et dis-lui, est-ce que tu as une divinité? Peut-être que tu vas te purifier. Peut-être que tu vas te purifier. Et dans l'autre verset, toujours Moussa, alors je l'ai dit à Moussa, va vers Pharaon et rappelle-lui et dis-lui des mots, des paroles douces, peut-être qu'il va se rappeler ou craindre. D'accord? Donc s'il se rappelle, il va craindre. De même s'il craint, c'est qu'il s'est rappelé. Donc la science et la crainte sont liées. La science et la crainte sont liées. La véritable science entraîne la crainte, comme on l'avait déjà vu, d'accord? Donc c'est pour ça qu'Allah il dit quoi? Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. C'est-à-dire ceux qui craignent vraiment Allah parmi ses adorateurs, c'est les savants. Donc parmi les choses les plus importantes qui aident à repousser les passions, c'est la science utile, d'accord? Se rendre compte que le fait de suivre son âme, ça emmène en enfer. D'accord? Connaître l'âme et sa réalité, et connaître le chemin. De même, connaître que l'âme, c'est comme un enfant, il lui faut une éducation. Tu ne peux pas l'éduquer du jour au lendemain. Parmi les autres ruses de l'âme ou les ruses de Shaitan par rapport aux gens, c'est qu'il y a des gens qui veulent changer tout de noir à blanc. Et ça, c'est possible. Mais c'est la plupart des gens, c'est pas comme ça. C'est vrai que, par exemple, quand on prend les sorciers avec Pharaon, ils se sont convertis à l'islam et tout de suite, ils ont eu la foi complète. Et ils ont patienté face aux tortures et face aux épreuves. Donc, comme il dit Ibn Abbas, en une journée, ils sont passés de sorcier à shahid, à martyr. En une journée. D'accord? Donc, ça arrive, c'est possible. Mais, ce n'est pas la majorité. La majorité des gens, ils ont besoin de temps pour éduquer leurs âmes. Donc, on disait, la science, elle va te permettre de craindre, puisqu'elle va te permettre de te rendre compte de la situation dans laquelle tu es, et que tu es dans un état, si tu restes comme ça, tu es en enfer. Et comme tu crois en Allah, et tu crois au jour du jugement dernier, tu crois au paradis, et tu crois en enfer, alors tu vas essayer de faire des causes. D'accord? Tu vas essayer de faire des causes. Et donc, parmi les meilleures causes que tu puisses faire, c'est apprendre comment fonctionne, c'est quoi véritablement l'âme, comment elle fonctionne. D'accord? Et comment l'éduquer? Donc on peut donner 3 points pour réussir à vaincre, ou 4 points pour réussir à vaincre ce combat avec l'âme. La première chose on disait, c'est de se rendre compte qu'on est dans un combat. Omar ibn Khattab, il a envoyé, quand il y avait la guerre, il a envoyé un courrier à Serd et il lui a dit: méfie-toi de tes péchés plus que tu ne te méfies de tes ennemis. D'accord? Donc on a dit la première chose, savoir que c'est un combat. La deuxième chose, on a dit la science et la connaissance. Parmi la science et la connaissance, c'est connaître la réalité de l'âme. Quand tu te rends compte que ton âme, par exemple, et chacun connaît son âme mieux que les autres. Tu sais que ton âme, elle est paresseuse, elle aime bien dormir, elle ne veut pas faire la prière. Elle aime bien s'élever, elle aime bien qu'on la complimente, elle aime bien plein de choses qu'Allah Azzawajal n'aime pas. Supposons que tu vois ça chez une autre personne. Tu vois une autre personne qui a ses défauts. Forcément, cette personne-là qui a ses défauts, pour ces défauts-là, tu ne vas pas l'aimer. Car la fitra déteste ses défauts, de même la raison. D'accord? Eh bien, quand tu les vois en toi, ça fait que tu méprises cette âme-là, et si tu l'as méprisée, ça va être plus facile pour toi de la contredire et de ne pas la suivre. D'accord? Donc on a dit, premier point, savoir que tu es dans un combat. Deuxième point, la science. Troisième point, lutter. Donc il faut agir. La science tout seul, ça ne suffit pas si on n'agit pas. D'accord? Lutter et patienter. D'accord? lutter contre cette âme et patienter. Ici, alhamdoulilah, yani, par rapport à l'âme, il faut comprendre c'est que l'âme, alhamdoulilah, elle appelle à des moments au mal, mais elle n'appelle pas tout le temps. Ibn al-Qayyim, les savants ont divergé par rapport aux trois âmes dont on a parlé tout à l'heure. Donc, l'âme qui appelle au bien, l'âme tranquillisée, l'âme qui appelle au mal, d'accord, et l'âme qui ne cesse de se blâmer. Et les savants, ils ont dit, est-ce que la personne, elle a une âme, une de ces types d'âmes? Ça, c'est un avis de la part de certains savants. Et d'autres, ils ont dit non. Comme Ibn al-Qayyim, ils ont dit, en fait, la personne, elle peut se retrouver dans différents états. Ton âme peut être apaisée à un moment, et ton âme peut appeler au mal à un moment. Et celui qui a médité sur son âme verra que le deuxième avis qu'a eu Ibn al-Qayyim, c'est en vérité cet avis qui est juste. Par exemple, quand on est à la mosquée, quand on écoute un rappel, on peut sentir à des moments que notre âme est apaisée et elle est bien. D'accord? Alors que des fois, notre âme, elle nous appelle au mal. Donc là, tu te rends compte que parfois tu es dans un état où tu es bien, et d'autres fois tu es dans un autre état où ton âme t'appelle à faire le péché, c'est comme si tu étais deux personnes. Non, c'est juste toi, c'est la même personne, mais ton âme passe par des étapes, elle est à différents points. Donc ici, il faut faire quoi? Il faut patienter, parce que l'alhamdoulilah, ton âme quand elle t'appelle au mal, au péché, elle reste pas tout le temps, c'est pas tout le temps, il faut patienter un peu. Et quand tu as patienté, il y a un moment donné où c'est difficile. Quand tu patientes et que tu passes ce stade de difficulté, après, alhamdoulilah, c'est plus facile. Et plus tu prends l'habitude à l'éduquer, et plus après, tu arrives facilement par la grâce d'Allah. D'accord? Donc, on a dit lutter, d'accord? Et les choses, bien sûr, qui vont t'aider à lutter, c'est invoquer Allah. Savoir que ton âme, si elle prend dessus sur toi, ça va être difficile sur toi. Donc invoquer Allah, faire la prière. D'accord? Faire la prière et faire les choses. Parmi les choses qui vont aussi t'éduquer et qui vont aussi t'aider, c'est le fait de jeûner. Alors je vous le dis, وَاسْتَعِنُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَىٰ. Et aidez-vous par الصَّبْرِ, par la patience et la prière. الصَّبْرِ, la patience, Mujahid, il a dit, dans le tafsir, il a dit, que ici, il a dit la patience, c'est le jeûne. Donc en effet, le jeûne, c'est parmi un des plus grands moyens d'éducation de l'âme, et de même, c'est un des plus grands moyens de soigner l'âme et de combattre les passions. Comme il dit Ibn al-Qayyim dans Tibl al-Qulub, il dit, parmi les plus grands remèdes, donc des passions, c'est quoi? C'est contredire ses passions. Et il dit, mais il n'y a pas plus dur. Mais il dit aussi, il n'y a pas plus efficace comme médicament. D'accord? Il n'y a pas plus dur, il n'y a pas meilleur comme médicament. Donc aussi, Ibn al-Qayyim, il dit toujours dans le Tibl al-Qulub, il donne une image par rapport à un chemin. D'accord? Il dit, la personne qui a connu la vérité, elle est comparable à une personne qui doit passer dans un chemin. Comment il est ce chemin? Il dit, ce chemin, il est noir, et dedans, quand tu dois le traverser, il y a des choses qui font peur, mais la personne sait qu'à la fin de ce chemin, il y a le salut. D'accord? Et il dit simplement, certaines personnes commencent à emprunter le chemin et après font marche arrière. Et ils font marche arrière parce qu'ils n'arrivent pas à supporter ce chemin. On a dit que le fait de passer ce chemin, c'est le médicament que tu dois absolument prendre. Regardez quand une personne elle est malade dans le dunya et elle a une maladie grave. Surtout si sa maladie est grave, tu la vois supporter toutes sortes de traitements, toutes sortes de médicaments. Et des médicaments ou des traitements que tu ne pourrais pas prendre. Mais quand tu l'entends et que tu la vois patienter, elle te dit oui, tu patientes. Pourquoi? Parce qu'elle espère la guérison derrière. Ou elle a peur que son état s'empire et de mourir. D'accord? De même que vous voyez certaines personnes, des femmes, des mannequins qui veulent être jolies ou des sportifs, ils ont un mode de vie très difficile. Ils se lèvent à telle heure, ils mangent telle chose, ils mangent pas telle chose, ils ont un planning serré, ils s'entraînent, etc., etc. Et quand tu leur demandes pourquoi, eh bien, ils te disent, c'est pour atteindre tel objectif. D'accord? Donc, on a dit, l'éducation de l'âme, en soi, ça doit être un objectif. Ici, on a donné des choses qui peuvent nous permettre d'aider à l'éduquer. Eh bien, il faut se fixer comme objectif d'éduquer son âme avec les choses dont on a parlé. Une fois que tu t'es fixé ces objectifs, tu prends un papier, tu notes les principaux points qu'on a développés, tu notes des choses qui vont te motiver, et après tu fais un programme. Et la prochaine fois que tu vas être en phase d'un péché, les choses que tu as notées et les choses que tu as retenues, ça va t'aider. Il y avait un pieux, un salaf, il faisait quoi? Il avait un papier sur lequel il avait marqué « Patiente, car l'heure en vérité est véridique ». Il avait marqué un verset de Coran dessus comme ça. Et de temps en temps, il sortait et il se rappelait. Il se faisait le rappel comme ça. Combien aujourd'hui, nous, on a besoin de ce genre de rappel? Combien on a besoin de rappeler à nos âmes? Combien on a besoin de rappeler à nos âmes cela? D'accord? Donc ici, si on revient sur le chemin dont Ibn Qayyim y parlait, ici, alhamdoulilah, tu sais que quand tu patientes, ce chemin, il y aura des difficultés. Ce chemin, il y a des choses qui ne sont pas faciles dessus. Mais à la fin de ce chemin, il y a ce salut. Donc tu n'as pas le choix. Soit tu patientes, d'accord, et soit tu vas au paradis, soit tu suis ton âme et tu vas en enfer. Il n'y a pas d'autre chemin. Donc ne vaut-il mieux pas patienter un peu pour aller au paradis? Et au paradis, comme il disait un shir, comme il disait un da'i, il disait quoi? Il disait, nous, on veut des passions, mais on veut des passions halal et éternelles. Ces passions halal et éternelles, tu les as où? Tu les as au paradis. Comment l'ange lui dit quoi? Il dit dans le sens du verset en français, il dit quoi? Et en parlant des croyants, et ils auront tout ce que leurs âmes désirent. Quand tu médites sur ça, tu dis, subhanallah, je vais patienter, j'ai quel âge? J'ai 20 ans, 25 ans, 30 ans, je vais vivre encore combien de temps? 30 ans, 40 ans maximum. Si je patiente ici-bas, dans ce cas-là, il m'a interdit. Et la patience, comme on l'a dit, c'est pas toute la journée que ton âme appelle au péché. Eh bien, si je patiente un petit peu, après, dès que je meurs, alhamdoulilah, je vais au paradis, et tout ce que mon âme elle veut, éternellement, je l'aurai. Alors que si je suis mon âme, et ce qu'elle veut ici-bas, eh bien, je vais être malheureux ici-bas, et je risque l'enfer, dans l'au-delà, dans lequel il n'y a pas de prix. D'accord ? Donc, il dit, comme il disait Ibn Kathir, par rapport au verset où Allah il dit « Ihdina surat al-mustaqim »« Guide-nous dans le chemin droit ». Comme il a dit Ibn Kathir, il a dit « Allah Azza wa Jal a une tradition, a une sunnah. C'est que ceux qui agissent bien ici-bas, celui qui agit dans sa vie en bien, Allah il lui fait mourir en bien et il lui facilite le chemin droit. Dans l'au-delà, il traversera le chemin droit proportionnellement à sa vitesse d'exécution dans les bonnes actions ici-bas. Moins il fait le bien, et plus il va s'exposer à des difficultés quand il va mourir, et plus il va être lent quand il va vouloir passer le chemin droit. D'accord ? Donc, si on résume, donc la charia, on voit que la charia, elle est venue et elle a invité les gens avec sagesse pour les sortir. Donc, pour les sortir de l'adoration de leurs âmes vers l'adoration d'Allah. Et si on médite un peu sur la sagesse de la charia, on va se rendre compte que plus les actes, ils sont difficiles pour l'âme et plus il y a beaucoup de récompenses. Par exemple, le prophète Sassim dit, celui qui, la nuit, il se réveille, alors qu'il était en train de dormir, et il invoque son Seigneur, et il est exaucé. Et s'il se lève, fait les ablutions et prie, eh bien, Allah exauce sa prière. D'accord ? De même que tous les bienfaits qui ont été rapportés par rapport au combat fi sabilillah, parce que cela est dur pour l'âme. Comment je lui dis quoi? Il dit certes, le combat vous a été prescrit alors qu'il est détestable. C'est-à-dire qu'il est dur pour l'âme. Il est dur pour l'âme. D'accord? Donc la charia, elle est sage. Et toutes les choses qui sont difficiles pour l'âme, la charia a donné des récompenses proportionnellement à ça. C'est pour ça que quand on voit par rapport au jeûne, Allah il dit le jeûne est pour moi et c'est moi qui le récompense. Tandis que la patience, et le jeûne fait partie de la patience, Allah a dit quoi? Ceux qui ont patienté, ils ont une récompense sans quoi? Sans limite. Alors que la patience, elle n'a pas de limite. Comme les savants, ils ont dit, El jaza min jins el amal, la récompense des actions est proportionnelle au type d'action. Ici, quand tu as patienté, eh bien, subhanallah, la récompense de ça, elle n'a pas de limite, car tu as patienté. Bon, inchallah, on va s'arrêter là. On demande à Allah, avec ses plus beaux noms et ses plus beaux attributs, qu'il nous apprenne à éduquer notre âme et qu'il fasse comprendre le dessus sur notre âme. On lui demande protection du mal auquel peuvent appeler nos âmes. On lui demande qu'il nous donne une bonne fin, qu'il nous fasse aimer l'Iman, qu'il nous donne une chance bénéfique, qu'il pardonne aux musulmans et aux musulmanes. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala rasulillah wa alhamdulillah wa rabbil alamin. Donc juste pour finir par rapport donc aux patients, Inch'Allah, je voulais faire un rappel pour moi et pour les frères, Inch'Allah, par rapport au, puisque c'est l'été, là, par rapport aux passions, par rapport à ce qui touche les passions des femmes. Et cela, en vivant avec le verset, dans Surat Yusuf, avec la situation de Yusuf alayhi salam. Donc, Yusuf alayhi salam, comme Allah nous rappelle, donc il dit, la femme de l'Aziz, elle a voulu le séduire. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fermé fortement la porte. Elle s'est assurée que la porte était fermée. Donc elle a bien fermé la porte. Et ensuite, elle a proposé à Yusuf alayhi salam. Elle s'est proposée à Yusuf alayhi salam. D'accord? Donc elle s'est proposée à Yusuf alayhi salam, qui a refusé. Ensuite, des femmes dans la ville ont entendu parler de celle-là, et elles se sont moquées de la femme de l'Aziz en disant, vraiment, elle a été atteinte d'amour, elle aime son serviteur, vraiment elle a perdu la raison. Ensuite, quand la femme de l'Aziz a entendu parler de cela, elle les a invitées à manger, et certaines parmi elles avaient donc un couteau, et elle a demandé à Yusuf alayhi salam de sortir. Donc comme on sait, Yusuf alayhi salam, il était très très beau, et quand il est sorti, certaines parmi elles qui l'ont vu, au lieu de couper la nourriture qu'elles avaient, des fruits ou de la viande, elles se sont mis à couper leurs doigts sans s'en rendre compte, tellement Yusuf il était beau. Tellement il était beau. Donc on s'imagine s'il y avait des salafs qui, quand ils rentraient en prière, oubliaient tout. Un parmi eux aussi, il a dit, quand je rentre en prière, vous me coupez la jambe. Et on l'a coupé la jambe et il ne s'est pas rendu compte. Si des créatures peuvent se couper les mains sans s'en rendre compte à la vue d'une autre créature, il n'y a aucun doute que des créatures qui connaissent et qui adorent vraiment Allah comme il faut, peuvent arriver à un niveau semblable. Wallahu al-musta'an. Donc, ici, ce qu'on peut retenir aussi, c'est qu'il ne faut pas se moquer d'une personne quand elle est atteinte d'une épreuve ou d'un péché, puisque tu n'es pas à l'abri de toi-même tomber dedans. Bref, la femme de la Aziz, elle a dit aux autres femmes, voilà celui au sujet duquel vous m'avez blâmé. C'est-à-dire, vous m'avez blâmé d'être tombée amoureuse de lui, alors qu'aujourd'hui, vous êtes tombée dans le même péché. Ensuite, elle a dit, et Youssef, je me suis proposé à lui, il a refusé. Ensuite, elle a dit quoi? Et elle a dit, et si il ne répond pas aujourd'hui à mes avances, certes, il sera parmi les humiliés ou il sera en prison. D'accord? Et Yusuf alayhi salam, il a dit quoi? Il a dit certes la prison, mais préférable de ce envers quoi elle m'appelle. Et ensuite, il a invoqué Allah, il a dit, Ya Allah, si tu ne détournes pas de moi ces ruses, je ferai partie des quoi? Il a dit des injustes ou des ignorants? Il a dit des ignorants. D'accord? Donc il dit, il a dit des ignorants. Pourquoi des ignorants? Car en fait, le véritable ignorant, c'est celui qui n'agit pas avec la science qu'il a. Il y a deux types d'ignorance. Il y a une ignorance qui fait, qui est de ne pas connaître le jugement d'une chose, par exemple. Tu ne sais pas, par exemple, si la viande de chameau annule les ablutions ou pas. Ça, c'est une ignorance. Mais la véritable ignorance, en vérité, c'est de ne pas agir selon la science que tu as. D'accord? C'est pour ça que le Allah je lui dit dans le Coran, dans le sens du verset, et certes, Allah accepte le repentir de ceux qui font le mal par ignorance et se repentent de manière proche. Les compagnons, comment ils expliquaient ce verset, ils disaient, quiconque fait des péchés ne connaît pas Allah, et quiconque s'est repenti avant la mort a certes fait un repentir de manière proche. D'accord? Donc ici, comme il dit Ibn Taymiyyah, Youssef alayhi salam, regardez, il a eu peur de tomber dans le péché, il a invoqué son Seigneur, et la prison était préférable pour lui. La prison lui était préférable. D'accord? Et il a dit, sinon je ferai partie des ignorants. D'accord? Donc ici, ce conseil est pour moi et pour mes frères. Il ne faut pas chanter devant les épreuves des femmes et se rappeler que, comme Allah Jou, il a dit, nous avons enjolivé, nous avons rendu joli pour les gens. L'amour de quoi? L'amour des femmes. Et ensuite, Allah Azza wa Jalla dit quoi? Ensuite, Allah Azza wa Jalla dit quoi? Allah, il dit quoi? Plus tard dans le verset, ne vais-je pas vous informer de ce qui est meilleur? Et donc, il a parlé du paradis. D'accord? Il a parlé du paradis. Donc ici, on ne doit pas chanter. Et comme il dit Ibn al-Qayyim, dans Tib al-Qulub, il dit, quand il rappelle la règle, al-jaza'u min jins al-amal, c'est-à-dire que les récompenses sont proportionnelles ou sont en fonction du type d'action qui sont réalisées par les gens. Si tu fais du bien, tu auras du bien. Si tu fais du mal, tu auras du mal. Et il dit, en parlant du verset où Allah dit, il dit aux croyants de baisser un peu leurs yeux. Il dit, et quand ces croyants ont baissé les yeux de ce qu'Allah Azza wa Jalla leur a interdit de regarder, donc parmi les femmes par exemple, il dit, Allah Azza wa Jalla, il fait quoi? Il va mettre de la lumière dans leur cœur à la place de ça. D'accord? Donc on demande à Allah Azza wa Jalla, avec ses plus beaux noms, ses beaux attributs, qu'il nous préserve de tout péché. D'accord? Donc là, comme ça, on a fait un tour. On a vu les ambiguïtés, donc on a vu les deux principales maladies qui peuvent toucher le cœur, donc à savoir les ambiguïtés qui touchent au niveau de la science et qui affaiblissent le cœur, même si la personne ne s'en rend pas compte, et les passions qui empêchent le cœur d'avancer. Comme il dit Ibn al-Qayyim, le chemin vers Allah est un chemin qui ne se parcourt pas avec les corps, mais avec les cœurs. Et en fait, les passions sont des coupeurs de route. Les passions sont des coupeurs de route qui vont empêcher ton cœur d'avancer vers Allah Azza wa Jalla. D'accord? Donc on demande à Allah Azza wa Jalla, avec ses plus beaux noms, ses plus beaux attributs, qu'il nous fasse aimer l'Iman, qu'il nous fasse aimer la foi, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous donne une bonne fin. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Alhamdulillah. Wa sallallahu wa sallam ala rasulillah.